22-6, activation orale, repas. Répondez selon l'exemple. Vous entendez ? 1. Il est 8h du matin. Que vous dites ? C'est l'heure du petit déjeuner. 2. Il est midi. C'est l'heure du déjeuner. 3. Il est 8h du soir. C'est l'heure du dîner. 4. Il est 8h du matin. C'est l'heure du petit déjeuner.